Évangeline de Longfellow. Préface. Aux jeunes filles de France. C'est à vous, mes jeunes et chers compatriotes, qu'est plus particulièrement dédié cet ouvrage, en écrivant cette modeste adaptation du poème si frais et si touchant d'Évangeline. Notre pensée se reportait involontairement vers des temps plus rapprochés de nous. En 1870, notre chère Alsace fut frappée de malheurs offrant une triste analogie avec ceux qui accablèrent l'Acadie en 1755. Lorsque vous rencontrerez sur votre chemin une femme dont le visage triste et rêveur est encore assombri par un large nœud de deuil, saluez-la du fond du cœur. Cette femme est une exilée. Comme Évangeline, elle fut un jour chassée du foyer paternel par un ennemi brutal. Comme elle, c'est à la lueur des flammes qui dévoraient la maison où elle avait passé son enfance qu'elle quitta son village natal. Elle fut, comme elle, séparée violemment de ses compagnes et de ses amis d'enfance. Comme elle, enfin, beaucoup de jeunes filles d'Alsace laissèrent sur une terre désormais étrangère, le corps de leur père mort brisé par le chagrin ou accablé par les mauvais traitements. Et aujourd'hui que, plus heureuse qu'Évangeline, ces infortunées alsaciennes ont trouvé au milieu de nous un nouveau foyer et une nouvelle famille, un ennemi méfiant jusqu'à la cruauté leur refuse la consolation d'aller librement pleurer sur la tombe de ceux qu'elles ont laissés là-bas. Que ces terribles événements, dont l'histoire nous offre de temps en temps le spectacle, soient pour vos jeunes âmes une leçon salutaire. À l'exemple de la jeune et douce Acadienne, opposez à l'adversité et aux douleurs de la vie un cœur fort et résigné. Attachez-vous fermement à ces précieuses qualités qui font les grands caractères, la foi de vos pères et l'amour du pays natal. Notice sur Longfellow et sur l'Acadie. Longfellow Henry Wadsworth naquit le 27 février 1807 à Portland, ville de l'Amérique du Nord. Son père appartenait au barreau de cette ville. Le futur poète d'Évangeline fit d'excellentes études au collège Beau-Doris dans le nouveau Brunswick. Avant même d'en être sorti, Longfellow fit paraître dans les principales revues du pays des vers qui furent remarqués. Après être resté quelque temps dans l'étude de son père, Longfellow, cédant à sa vocation, accepta une chaire de littérature et de langue moderne dans le collège Beau-Doris dont il avait été l'orgueil. Il fit alors un voyage en Europe afin de se familiariser avec les langues qu'il était chargé d'enseigner. Il passa une année à Paris, visita les autres parties de l'Europe et rentra en Amérique après une absence de 3 années. En 1835, à l'âge de 28 ans, il fut appelé à Cambridge pour être attaché comme professeur de littérature étrangère à l'université Harvard, la première et la plus ancienne de l'Amérique. Ce fut pour lui l'occasion d'un nouveau voyage en Europe dont il explora particulièrement les régions du Nord. Ce fut pendant ce second voyage qu'il perdit à Rotterdam sa jeune femme, Mary Storer Potter. Quelques années après, sa seconde femme, Frances Elizabeth Appleton, lui fut enlevée par un affreux accident. Elle fut brûlée vive. Longfellow occupa sa chaire pendant plus de 20 ans. Il donna sa démission en 1854 et se retira à Boston, dans un asile charmant, situé au milieu des arbres et des fleurs et qui avait servi un jour de quartier général avant l'évacuation de cette ville au père de la patrie, à l'illustre Washington. Et, dit le poète, dans cette chambre où j'écris, il s'est reposé aux heures de chagrin, le cœur et la tête harassés. Il se consacra dès lors exclusivement à ses travaux littéraires qui lui valurent une renommée universelle. Nos malheurs de 1870 attristèrent profondément Longfellow, qui s'était toujours montré un sincère ami de la France. Il s'informa souvent si la mitraille allemande avait épargné les foyers amis dont il conservait le souvenir et qu'il n'osait plus espérer revoir jamais. Longfellow mourut le 24 mars 1882. L'Amérique, qui perdait en lui l'un des hommes dont elle est le plus justement fière et que l'Europe honore comme une des belles figures du siècle, fit à son illustre enfant des funérailles grandioses et vraiment nationales. Le nombre des ouvrages de Longfellow est considérable, mais parmi ses œuvres, Évangeline, qui parut en 1847, est une des plus remarquables. C'est encore aujourd'hui la plus populaire aux États-Unis. Pour nous, Français, le récit d'Évangeline présente un attrait tout particulier. C'est la peinture émouvante des malheurs qu'éprouvèrent nos compatriotes exilés de l'Acadie par les conquérants anglais. L'Acadie, presqu'île de l'Amérique du Nord, dont les côtes sont très découpées et forment de nombreuses baies, fut découverte par Sébastien Cabot, célèbre navigateur vénitien. Elle fut visitée en 1524 par le Florentin Verrazzani, au service de la France, qui l'appela Acadie et en prit possession au nom de François Ier. Au commencement du XVIIe siècle, des colons bretons et normands vinrent s'y établir. Dans ce pays immense, chacun était propriétaire ou pouvait le devenir. Le farmer, c'était le nom des colons, maître de son domaine, indépendant par sa situation, pouvait vivre à sa guise, chasser, pêcher et cultiver à sa façon. Tout du reste contribuait à assurer aux fermiers acadiens la liberté et le bien-être. Leurs champs leur donnaient du blé, de l'orge, des pommes de terre et du chanvre. Leurs vergers des prunes, des noix et des pommes d'une saveur particulière. En outre, ils trouvaient dans la forêt le bois nécessaire pour la construction de leur maison et pour les besoins de leur ménage. La terre, en un mot, leur fournissait à peu près tout ce qui leur était nécessaire. L'hospitalité était en honneur chez ces braves gens. Le voyageur pouvait entrer sans crainte dans leur maison. Petite maison, grand repos, telle était leur devise. Cette petite colonie, qui comptait alors de 16 à 17 000 habitants, avait conservé les mœurs et la langue de la mère patrie. Les femmes portaient le grand bonnet cauchois, et ce fut en vain que les Anglais tentèrent de s'incorporer ces fermiers, ces pêcheurs et ces pâtres, qui conservaient précieusement les mœurs patriarcales et les antiques vertus de leur pays natal. Ce bonheur, hélas, ne devait pas être de longue durée. Chasser les Français de la vallée de l'Ohio et les expulser du Canada, telle était depuis longtemps la pensée commune des Anglais et des Américains. Cependant, c'étaient nos pères qui avaient reconnu et parcouru ce vaste continent de l'Amérique du Nord. C'étaient nos missionnaires et nos coureurs des bois qui avaient établi de tous côtés des communications protégées par nos postes avancés. Malheureusement, nos riches colonies américaines, depuis si longtemps convoitées par les Anglais, nous furent enlevées en 1715 par le traité d'Utrecht qui les fit passer sous l'autorité britannique. À partir de ce moment, commencèrent les malheurs des Acadiens qui, fidèles à leur drapeau, furent punis de leur foi et martyrs de leur loyauté. Catholiques et Français, ils refusèrent de marcher avec les armées anglaises et de se battre contre leurs frères du Canada. C'est en vain qu'ils réclamèrent le bénéfice d'une neutralité que l'humanité faisait à leur maître un devoir de respecter. Pendant un demi-siècle, on leur fit endurer 1000 vexations pour les punir de la fidélité avec laquelle ils restaient attachés à la foi de leur père et au souvenir de la France. Enfin, ne pouvant parvenir à les exterminer, le gouvernement anglais eut recours à un de ces moyens odieux que l'humanité réprouve et sans exemple dans l'histoire moderne, l'exil en masse. Cette mesure inique fut exécutée avec une cruauté qui en doubla l'horreur. Le 5 septembre 1755, le commandant anglais Winslow notifia aux paysans acadiens, rassemblés dans l'église de Grand-Pré, la terrible sentence royale et on procéda de même dans tous les villages d'Acadie. Le 10 du même mois, l'embarquement des exilés eut lieu. Grand-Pré seul en fournit 1923. Des scènes déchirantes se déroulèrent alors. Des familles furent brutalement divisées et leurs membres, jetés sur des rivages différents, se trouvèrent ainsi séparés pour toujours. On tira sur les malheureux qui s'évadaient et ceux qui réussirent à s'échapper rencontrèrent chez les Indiens sauvages la pitié et l'hospitalité que leur refusait une nation civilisée. 7000 enfants de la France furent ainsi jetés comme de vils troupeaux sur des côtes éloignées, sans autre ressource que le peu de hardes et de provisions qu'ils avaient pu emporter. Mais la haine des persécuteurs n'était pas satisfaite. Elle s'assouvit sur les biens des proscrits. Les Anglais brûlèrent dans le seul district des mines 400 maisons, 500 étables. Ils enlevèrent 2000 bœufs, 3000 vaches, 5000 veaux, 600 chevaux, 12000 moutons et 500 porcs. On se demande, dit Ney, en lisant ces détails, si c'est bien un peuple civilisé qui a pu ainsi arracher une population tout entière à ses foyers, chasser des cultivateurs paisibles des champs fertiles que leurs ancêtres avaient conquis sur les forêts qu'ils avaient défrichées et arrosées de leur sueur. On trouve encore aujourd'hui des débris de la colonie acadienne à Saint-Domingue, dans la Guyane française et à la Louisiane. Une vingtaine d'Acadiens qui s'étaient embarqués pour la France vinrent défricher les bruyères sauvages qui environnaient la ville de Châtellerault et en firent des terres fertiles. Les descendants des proscrits de 1755 sont toujours cités pour la simplicité de leurs mœurs, pour leur respect des anciennes traditions et pour leurs sentiments français. Tels sont les événements tragiques au milieu desquels ont vécu Évangeline et Gabriel. Tels sont les malheurs qui les ont frappés au printemps d'une vie qui paraissait destinée au bonheur. Mais ces cœurs d'élite ne devaient pas trouver la félicité sur cette terre d'exil. Leurs âmes, épuisées par la souffrance et par la douleur, étaient mûres pour une vie meilleure.